Le rouge et le noir, chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation Hélène Bleskin. Une réalisation de Michel Sidorov. Troisième épisode. Julien Sorel est entré comme précepteur chez M. de Rênal, maire de Verrières. Madame de Rênal se prend d'une affection toute maternelle pour ce jeune homme brillant qui ne trouve pas sa place dans sa propre famille. Un soir d'été, ébloui par sa beauté, il se laisse aller à lui prendre la main. Bien que bouleversée, Madame de Rênal la lui retire aussitôt. Blessé dans sa fierté, Julien décide de partir réfléchir quelques jours dans la montagne chez son ami Fouquet. Pendant que Madame de Rênal était en proie à ce qu'a de plus cruel la passion terrible dans laquelle le hasard l'avait engagée, Julien poursuivait son chemin gaiement au milieu des plus beaux aspects que puissent présenter les scènes de montagne. Enfin, il atteignit le sommet près duquel il fallait passer pour arriver à la vallée solitaire qu'habitait Fouquet, le jeune marchand de bois, son ami. Il découvrit une petite grotte au milieu de la pente presque verticale d'un des rochers. Il prit sa course et bientôt fut établi dans cette retraite. Ici, les hommes ne sauraient me faire de mal. Il eut l'idée de se livrer au plaisir d'écrire ses pensées, partout ailleurs si dangereux pour lui. Sa plume volait. Il ne voyait rien de ce qui l'entourait. Il remarqua enfin que le soleil se couchait derrière les montagnes éloignées du Beaujolais. Pourquoi ne passerais-je pas la nuit ici? J'ai du pain et je suis libre. La tête appuyée sur les deux mains, regardant la plaine, Julien resta dans cette grotte plus heureux qu'il ne l'avait été de la vie, agité par ses rêveries et par son bonheur de liberté. Au milieu de cette obscurité immense, son âme s'égarait dans la contemplation de ce qu'il s'imaginait rencontrer un jour à Paris. C'était d'abord une femme bien plus belle et d'un génie bien plus élevé que tout ce qu'il avait pu voir en province. Il aimait avec passion, il était aimé. Le jeune paysan ne voyait rien entre lui et les actions les plus héroïques que le manque d'occasion. Mais une nuit profonde avait remplacé le jour. Avant de quitter la petite grotte, Julien alluma du feu et brûla avec soin tout ce qu'il avait écrit. Il étonna bien son ami en frappant à sa porte à 1h du matin. T'es-tu donc brouillé avec ton monsieur de Rênal que tu m'arrives ainsi à l'improviste ? Julien lui raconta, mais comme il le fallait, les événements de la veille. Maintenant, tu as compris les finesses du caractère de ces gens-là. Reste avec moi. Tu sais l'arithmétique mieux que moi. Tu tiendras mes comptes. Je gagne gros dans mon commerce. Sois mon associé. Cette offre donna de l'humeur à Julien. Elle dérangeait sa folie. Fouquet vivait seul. Il montra ses comptes et lui prouva combien son commerce de bois présentait d'avantages. Fouquet avait la plus haute idée des lumières et du caractère de Julien. Quand enfin celui-ci fut seul dans sa petite chambre de bois de sapin, il se dit « Il est vrai. Je puis gagner ici quelques 1000 francs, puis reprendre avec quelque avantage le métier de soldat ou celui du prêtre, suivant la mode qui alors régnera en France. Solitaire dans cette montagne, j'aurais dissipé un peu l'affreuse ignorance où je suis de tant de choses qui occupent tous ces hommes de salon. Mais Fouquet renonce à se marier et il me répète que la solitude le rend malheureux. Il est évident que s'il prend un associé, c'est dans l'espoir de se faire un compagnon qu'il ne quittera jamais. Tromperais-je mon ami ? Julien ne put supporter l'idée du plus petit manque de délicatesse envers un homme qu'il aimait. Mais tout à coup, il fut heureux. Il avait une raison pour refuser. Quoi, je perdrais lâchement 7 ou 8 années ? J'arriverais ainsi à 28 ans. Mais à cet âge, Bonaparte avait fait ses plus grandes choses. Quand j'aurais gagné obscurément quelque argent en courant ses ventes de bois, en méritant la faveur de quelques fripons subalternes, qui me dit que j'aurais encore le feu sacré avec lequel on se fait un nom ? Le lendemain matin, Julien répondit d'un grand sang-froid au bon Fouquet que sa vocation pour le saint ministère des hôtels ne lui permettait pas d'accepter. Fouquet n'en revenait pas. Mais songes-tu que je t'associe ? Ou si tu l'aimes mieux, que je te donne 4000 francs par an. Et tu veux retourner chez ton monsieur de Rênal qui te méprise comme la boue de ses souliers ?

Cette action bouleversa l'âme de cette pauvre femme. Elle y vit une manifestation de son sort. Tremblante de le perdre à jamais, sa passion l'égara jusqu'au point de reprendre la main de Julien. Cette action réveilla ce jeune ambitieux. Cette femme ne peut plus me mépriser. Dans ce cas, je dois être sensible à sa beauté. Je me dois à moi-même d'être son amant. Comme on rentrait au salon vers minuit, Madame de Rênal lui dit « Vous nous quitterez. Vous partirez. » Il faut bien que je parte, car je vous aime avec passion. C'est une faute. Et quelle faute pour un jeune prêtre. Madame de Rênal s'appuya sur son bras et avec tant d'abandon que sa joue sentit la chaleur de celle de Julien. Les nuits de ces deux êtres furent bien différentes. Madame de Rênal était exaltée par les transports de la volupté morale la plus élevée. Comme elle n'avait jamais lu de roman, toutes les nuances de son bonheur étaient neuves pour elle. Aucune triste vérité ne venait la glacer, pas même le spectre de l'avenir. Elle se vit aussi heureuse dans 10 ans qu'elle l'était en ce moment. Jamais je n'accorderai rien à Julien. Nous vivrons à l'avenir comme nous vivons depuis 1 mois. Ce sera un ami. Pour Julien, l'offre de Fouquet lui avait en effet enlevé tout bonheur. Il ne pouvait s'arrêter à aucun parti. Hélas, peut-être manquais-je de caractère. J'eusse été un mauvais soldat de Napoléon. Du moins, ma petite intrigue avec la maîtresse du logis va me distraire un moment. Heureusement pour lui, l'intérieur de son âme répondait mal à son langage cavalier. Il avait peur de Madame de Rênal à cause de sa robe si jolie. Cette robe était à ses yeux l'avant-garde de Paris. D'après les confidences de Fouquet et le peu qu'il avait lu sur l'amour dans sa Bible, il se fit un plan de campagne fort détaillé. Comme, sans se l'avouer, il était fort troublé, il écrivit ce plan. Le lendemain matin, au salon, Madame de Rênal fut un instant seule avec lui. N'avez-vous point d'autre nom que Julien ? À cette demande si flatteuse, notre héros ne sut que répondre. Cette circonstance n'était pas prévue dans son plan. Sans cette sottise de faire un plan, l'esprit vif de Julien l'eût bien servi. La surprise n'eût fait qu'ajouter à la vivacité de ses aperçus. Il fut gauche et s'exagéra sa gaucherie. Madame de Rênal lui pardonna bien vite. Elle y vit l'effet d'une candeur charmante. Tandis que son amie, Madame Derville... Ton petit précepteur m'inspire beaucoup de méfiance. Je lui trouve l'air de penser toujours et de n'agir qu'avec politique. C'est un sournois. Julien resta profondément humilié du malheur de n'avoir su que répondre à Madame de Rênal. Un homme comme moi se doit de réparer cet échec. Et saisissant le moment où l'on passait d'une pièce à l'autre, il crut de son devoir de donner un baiser à Madame de Rênal. Ils furent sur le point d'être aperçus. Madame de Rênal le crut fou. Elle fut effrayée et surtout choquée. Que m'arriverait-il si j'étais seule avec lui ? Toute sa vertu revint parce que l'amour s'éclipsait. Elle s'arrangea de façon à ce qu'un de ses enfants restât toujours auprès d'elle. La journée fut ennuyeuse pour Julien. Il dit à M. de Rênal qu'il allait à Verrières voir le curé. Il partit après dîner et ne rentra que dans la nuit. À Verrières, il trouva M. Chélan occupé à déménager. Il venait enfin d'être destitué. Le vicaire Masselon le remplaçait. Le lendemain soir, à peine fut-on assis au jardin que, sans attendre une obscurité suffisante, Julien approcha sa bouche de l'oreille de Madame de Rênal et, au risque de la compromettre horriblement, il lui dit « Madame, cette nuit à 2 heures, j'irai dans votre chambre. Je dois vous dire quelque chose. » Madame de Rênal répondit avec une indignation réelle et nullement exagérée à l'annonce impertinente que Julien osait lui faire. Il crut voir du mépris dans sa courte réponse. Il était extrêmement déconcerté de l'état presque désespéré où il avait mis ses affaires. Rien, cependant, ne l'eût plus embarrassé que le succès. De fort mauvaise humeur et très humilié, Julien ne dormit point. Il se fatigua le cerveau à inventer des manœuvres savantes quand 2 heures sonnèrent à l'horloge du château. Je lui dis que j'irai chez elle à 2 heures. Je puis être inexpérimenté et grossier comme il appartient au fils d'un paysan, mais du moins, je ne serai pas faible. Il était sans souliers. Il alla écouter à la porte de M. de Rênal, dont il put distinguer le ronflement. Il en fut désolé. Il n'y avait donc plus de prétexte pour ne pas aller chez elle. Il entra dans le petit corridor qui menait à la chambre de Mme de Rênal. Il ouvrit la porte d'une main tremblante et en faisant un bruit effroyable. Il y avait de la lumière, une veilleuse brûlait. Mme de Rênal se jeta vivement hors de son lit. Malheureux! Julien! Quelques heures après, quand Julien sortit de la chambre de Mme de Rênal, on eût pu dire, en style de roman, qu'il n'avait plus rien à désirer. En effet, il devait à l'amour qu'il avait inspiré une victoire à laquelle ne l'eût pas conduit toute son adresse si maladroite. Mais, dans les moments les plus doux, victime d'un orgueil bizarre, il prétendit encore jouer le rôle d'un homme accoutumé à subjuguer des femmes. Au lieu d'être attentif au transport qu'il faisait naître et aux remords qui en relevaient la vivacité, l'idée du « devoir » ne cessa jamais d'être présente à ses yeux. En un mot, ce qui faisait de Julien un être supérieur fut précisément ce qui l'empêcha de goûter le bonheur qui se plaçait sous ses pas. Mortellement effrayée par l'apparition de Julien, Madame de Rênal fut bientôt en proie aux plus cruelles alarmes. Même quand elle n'eut plus rien à lui refuser, elle repoussait Julien loin d'elle avec une indignation réelle et ensuite se jetait dans ses bras. Mon Dieu, être heureux, être aimé, n'est-ce que ça ? Telle fut la première pensée de Julien en rentrant dans sa chambre. Il était dans cet état d'étonnement et de trouble inquiet où tombe l'âme qui vient d'obtenir ce qu'elle a longtemps désiré. N'ai-je manqué à rien de ce que je me dois à moi-même ? Ai-je bien joué mon rôle ? Heureusement, pour la gloire de Julien, Madame de Rênal avait été trop agitée pour apercevoir la sottise de l'homme qui, en ce moment, était devenu tout au monde pour elle. Lorsque Julien la revit à déjeuner, sa conduite fut un chef-d'œuvre de prudence. Pour elle, elle ne pouvait le regarder sans rougir jusqu'aux yeux et ne pouvait vivre un instant sans le regarder. Julien ne leva qu'une seule fois les yeux sur elle. Bientôt, voyant que cet unique regard ne se répétait pas, elle fut alarmée. Est-ce qu'il ne m'aimerait plus ? Hélas ! Je suis bien vieille pour lui. J'ai 10 ans de plus que lui. Au déjeuner, M. de Rênal ne s'aperçut de rien. Il n'en était pas de même de Mme Derville. Elle crut Mme de Rênal sur le point de succomber. Pendant toute la journée, son amitié hardie et incisive ne lui épargna pas les demi-mots destinés à lui peindre, sous de hideuses couleurs, le danger qu'elle courait. Le soir, au jardin, Mme de Rênal était dévorée d'un remords. Elle avait tant grondé Julien de l'imprudence qu'il avait faite en venant chez elle la nuit précédente, qu'elle tremblait qu'il ne vînt pas celle-ci. Elle quitta le jardin de bonne heure et alla s'établir dans sa chambre. Mais ne tenant pas à son impatience, elle vint coller son oreille contre la porte de Julien. Elle n'osa point entrer. Les domestiques n'étaient pas couchés. La prudence l'obligea enfin à revenir chez elle. 2 heures d'attente furent 2 siècles de tourments. Mais Julien était trop fidèle à ce qu'il appelait le « devoir » pour manquer à exécuter ce qu'il s'était prescrit. Comme 1 heure sonnait, il s'échappa doucement de sa chambre et parut chez Madame de Rênal. Ce jour-là, il trouva plus de bonheur auprès de son ami. Il eut des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. « Hélas, j'ai 10 ans de plus que vous. Comment pouvez-vous m'aimer ?» Julien ne concevait pas ce malheur et il oublia presque toute sa peur d'être ridicule. En peu de jours, Julien, rendu tout à l'ardeur de son âge, fut éperdument amoureux. Il faut convenir qu'elle a une bonté d'âme angélique. et l'on n'est pas plus joli. Dans ces moments d'oubli d'ambition, Julien admirait avec transport jusqu'au chapeau, jusqu'aux robes de Madame de Rênal. Il ne pouvait se rassasier du plaisir de sentir leur parfum. J'aurais pu épouser un tel homme. Quelle âme de feu! Quelle vie ravissante avec lui! Pour Julien, jamais il ne s'était trouvé aussi près de ces terribles instruments de l'artillerie féminine. Il est impossible qu'à Paris on ait quelque chose de plus beau. Dans les premiers jours de cette vie nouvelle, il y eut des moments où lui qui n'avait jamais aimé, qui n'avait jamais été aimé de personne, trouvait un si délicieux plaisir à être sincère qu'il était sur le point d'avouer à Madame de Rênal l'ambition qui jusqu'alors avait été l'essence même de sa vie. Mais un petit événement empêcha toute franchise. Un soir, au coucher du soleil, assis auprès de son ami au fond du verger, il rêvait profondément. Des moments si doux dureront-ils toujours ? Son âme était tout occupée de la difficulté et de la nécessité de prendre un état. Il déplorait ce grand accès de malheur qui termine l'enfance et gâte les premières années de la jeunesse peu riche. Ha ! Que Napoléon était bien l'homme envoyé de Dieu pour les jeunes Français. Qui le remplacera ? Il vit tout à coup Madame de Rênal froncer le sourcil. Elle prit un air froid et dédaigneux. Cette façon de penser lui semblait convenir à un domestique. Ce froncement de sourcil le rappela sur la terre. Il eut assez de présence d'esprit pour arranger sa phrase et faire comprendre que les mots qu'il venait de répéter, il les avait entendus pendant son voyage chez son ami, le marchand de bois. C'était le raisonnement des impies. Eh bien, ne vous mêlez plus à ces gens-là. Ce froncement de sourcil, ou plutôt le remords de son imprudence, fut le premier échec porté à l'illusion qui entraînait Julien. Elle est bonne et douce. Son goût pour moi est vif. Mais elle a été élevée dans le camp ennemi. Madame de Rênal avait été étonnée du mot de Julien, parce que les hommes de sa société répétaient que le retour de Robespierre était surtout possible à cause de ces jeunes gens des basses classes, trop bien élevés. Julien n'osa plus rêver avec abandon. Le temps volait. Le souvenir des charmes de sa maîtresse distrayait Julien de sa noire ambition. La nécessité de ne pas lui parler de choses tristes et raisonnables, puisqu'ils étaient de parti contraire, ajoutait, sans qu'il s'en doutât, au bonheur qu'il lui devait et à l'empire qu'elle acquérait sur lui. C'était « Le rouge et le noir », chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation Hélène Bleskin. Troisième épisode. Avec Simon Duprez, le narrateur. Damien Zanoli, Julien Sorel. Vanda Benesch, Madame de Rênal. Guillaume Marquet, Fouquet. Evelyne Guimara, Madame Derville. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Emmanuel Armingue. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Michel Sidoroff.